Vous écoutez France Culture. Deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à quelques expositions d'histoire actuellement présentées à Paris ou en région. Hier, nous avons évoqué avec Daniel Roger et Cécile Giroir l'exposition Moi Auguste qui se tient autour du premier empereur romain au Grand Palais à Paris jusqu'à la mi-juillet. Demain, nous vous présenterons l'exposition 1900 qui se tient ces temps-ci au Petit Palais à Paris, en face justement de ce Grand Palais. Jeudi, c'est d'une exposition un peu particulière sur la libération de Paris en 1944 dont il sera question. Une exposition qui se tient à Carnavalet à Paris. Et aujourd'hui, eh bien, nous vous emmenons à Bourg-en-Bresse et à Lyon au Musée des Beaux-Arts où se tiennent deux expositions jumelles sur un art peu connu, ou plutôt un art qui fut très connu en son temps et qui ne l'est plus aujourd'hui. L'art dit anecdotique du début du 19e siècle ou encore l'art de la peinture d'histoire qui lui succéda. Nous allons pendant une heure vous parler de peintures qui peuplent bien des salles des grands musées français mais dont les tableaux ne nous disent plus grand-chose du milieu qui les a produits. C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir avec Séverine Yatard qui a visité cette exposition « L'invention du passé » à Lyon en compagnie de Stéphanie Dermoncourt et avec Stéphane Pacou, il est conservateur en chef au Musée des Beaux-Arts de Lyon, chargé des collections de peintures et sculptures du 19e et co-commissaire de l'exposition L'invention du passé à Lyon avec Stephen Bann. Il sera avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon que nous remercions pour l'accueillir et il sera là pour nous éclairer sur cette période de la peinture d'histoire qui a, sans qu'on le sache véritablement, modelé une partie de notre imaginaire sur le passé de l'Europe. Bonjour Séverine Yatard. Bonjour. Vous vous êtes rendue du côté du Musée des Beaux-Arts de Lyon donc pour voir cette exposition L'invention du passé qui donne lieu à deux très beaux catalogues en deux tomes publiés chez Hazan. Donc à la fois L'invention du passé, histoire de cœur et d'épée en Europe entre 1802 et 1850 et également L'invention du passé, gothique mon amour entre 1802 et 1830. Deux expositions jumelles, c'est un peu particulier Stéphane Pacou. Pourquoi avoir choisi de faire ces expositions dans deux lieux? Je crois qu'il y a un de ces deux lieux qui est un peu à l'origine d'une histoire, de l'histoire de l'art sur cette période dont on va parler pendant une heure. Tout à fait. Nos deux institutions sont en effet les premières à s'être intéressées à ce goût pour la représentation de l'histoire en peinture. En 1971, alors que ce courant pictural était encore tout à fait méconnu, le monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse a été la première institution, le premier musée à organiser une exposition consacrée à ce courant qui s'intitulait le style troubadour. Et depuis, ce musée, tout comme le Musée des Beaux-Arts de Lyon, ont initié deux collections qui sont devenues des collections de référence en la matière. Et c'est en partant donc de cette base des collections donc de nos deux institutions que nous avons conçu ce projet commun. Alors c'est un peu exceptionnel parce que en l'occurrence deux expositions qui traitent à peu près du même thème, à savoir ce qui se passe entre 1800 et 1850 dans la peinture européenne à propos du passé, en particulier d'un passé qui était jusqu'alors assez méconnu, le Moyen-Âge et la Renaissance. Il faut peut-être citer le nom de Françoise Botson, c'est ça qui était l'initiatrice en 1971 de cette première exposition, le style troubadour, et qui a d'une certaine façon amorcé la pompe de l'intérêt des historiens d'art et des conservateurs de musées sur cette période un peu méconnue. Tout à fait, oui. À l'époque, il faut vraiment imaginer qu'il n'y avait pas de travaux. Et donc, Françoise Botson, qui était conservateur à l'époque, effectivement, au musée de Brou, à Bourg-en-Bresse, a vraiment lancé des recherches inédites dans les différents musées français, de manière à répertorier des œuvres qui, à l'époque, n'étaient pas exposées, n'étaient pas restaurées, n'étaient pas connues. Et elle a vraiment suscité un mouvement d'études très important. Depuis une trentaine d'années, en fait, de nombreux travaux sont venus se pencher sur cette question de la représentation de l'histoire, travaux universitaires, en particulier édition d'ouvrages, de catalogues, etc. Mais aucune exposition ne s'était, depuis cette date, penchée sur ce courant. Et c'est pour cela que nous avons voulu tenter l'aventure. Alors, peut-être Stéphane Pacou, alors, évidemment, on est à Lyon, c'est une collection aussi, c'est la mise en valeur d'une collection de peintres lyonnais, mais pas seulement, mais est-ce que c'est par cette focale-là aussi que vous avez travaillé sur justement les représentations du passé et l'émergence d'un style et d'un genre, quoi ? Tout à fait, oui. Ce courant nous intéresse particulièrement à Lyon parce qu'il naît à Lyon, sous le pinceau d'un artiste lyonnais qui s'appelle Fleury Richard, poursuivi par d'autres artistes lyonnais par la suite. Et ce courant est vraiment né donc, dans notre ville et va rencontrer un succès tel qu'il va s'imposer sur la scène artistique française puis européenne. Et ce courant est très bien représenté donc, dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon, grâce notamment à l'acquisition en 1988 du fonds d'atelier de ce peintre, Fleury Richard, fonds d'atelier qui est composé de près de 700 dessins, d'une vingtaine de carnets, d'archives, de 23 peintures. Donc vraiment un ensemble très important qui avait été conservé par ses descendants et qui permet de se plonger en fait dans son processus créateur, c'est-à-dire d'examiner la façon dont il part à la recherche de sources et comment il construit petit à petit ses œuvres. Alors attendez, par ailleurs, peut-être juste Stéphane Pacou avant qu'on commence à développer le débat, justement, Stéphanie Dermoncourt ouvre l'exposition avec une œuvre dont vous nous direz qu'elle est sans doute manifeste. Et donc, c'est la Valentine de Milan, donc qui pleure la mort de son époux Louis d'Orléans. Une œuvre donc présentée au salon en 1802 par ce fameux Fleury Richard, hein, qui a travaillé dans l'atelier de David. Et donc, Stéphanie Dermoncourt commence justement à nous expliquer la manière dont Fleury Richard a travaillé et pourquoi cette œuvre est manifeste. Alors, on découvre une femme assise, seule, devant une fenêtre très présente au centre de la composition, un vitrail, donc ça situe chronologiquement un petit peu l'œuvre, c'est la période gothique, un vitrail sur lequel on voit les armes de la Maison de France avec les fleurs de lys et les armes du Milanais. Voilà, on a quelques éléments comme ça de datation pour le spectateur de 1802, donc le Milanais et le costume de cette femme seule, donc dans la composition également, hein, sur Codermine, permet de dater. Donc elle a la tête posée sur sa main, c'est vraiment l'attitude typique de la mélancolie, elle est face à une table sur laquelle, si on s'approche, on peut voir un livre et surtout un parchemin sur lequel elle vient d'inscrire la devise qu'elle vient de composer, « Rien ne m'est plus, plus ne m'est rien ». Donc pourquoi une telle devise, hein, pourquoi un tel désespoir? Elle vient de perdre son époux, Louis d'Orléans. Donc là, on est dans l'histoire. En 1407, Louis d'Orléans, régent de fait, puisqu'il est fils de roi, frère de roi, mais un roi fou, hein, Charles VI. Donc il a le pouvoir, ce qui contrarie d'autres grands personnages en France qui aspirent au pouvoir également, notamment Jean sans Peur, le duc de Bourgogne, donc il le fait assassiner. C'est un événement capital dans l'histoire de France, puisque ça provoque une guerre civile, le conflit entre les Armagnacs et les Bourguignons. Ce n'est pas l'événement que représente Fleury Richard. Hein, c'est la conséquence, et pas la conséquence dans le domaine public, mais dans le domaine privé, ici. On a une veuve. Voilà, c'est le sujet du tableau. C'est un sujet qui devait toucher un certain nombre de personnes en 1802, hein, vu le contexte, guerre civile, les guerres, etc. Voilà. Et c'est une œuvre qui est considérée comme une œuvre manifeste. Nous sommes en 1802. Richard expose cette œuvre au salon. Elle remporte un immense succès. Quelques années après, elle sera même achetée, comme beaucoup d'œuvres du même genre par la suite, par Joséphine. Donc une œuvre manifeste et on y voit un nouveau genre. Donc on parle de peinture d'histoire, de genre secondaire ou de genre anecdotique. Donc jusque-là, on est en plein néoclassicisme. La peinture d'histoire, eh bien, ce sont des grands sujets, hein, universaux, des sujets religieux, mythologiques et des sujets antiques. Or là, pour la première fois, entre guillemets, on a un sujet qui concerne l'histoire de France. On est en plein Moyen-Âge. Et le second aspect, c'est que ce n'est pas la grande histoire, c'est l'histoire vue par la petite porte du côté intime, sentimental et complètement anecdotique. Donc c'est là la nouveauté, hein, le sujet anecdotique tiré de l'histoire de France. Élève de David, Fleury Richard se forme en visitant les musées et notamment un musée qui vient d'ouvrir à Paris en 1795, capital dans l'histoire qui nous concerne, c'est le musée des monuments français. Et on a toute une vitrine qui permet de découvrir le processus créatif de l'œuvre. On voit ici un carnet sur lequel on découvre quelques gisants. Donc un intérêt pour le Moyen-Âge. Et sur le carnet juste à côté, on voit qu'il concentre son attention sur un gisant en particulier, sur celui de Valentine de Milan. Et si on s'approche, on voit une inscription. C'est l'élément déclencheur, c'est la devise, hein, de Valentine de Milan dont je viens de vous parler. « Rien ne m'est plus, plus ne m'est rien ». « Stéphanie Dermoncourt, que vous avez donc interrogée devant ce tableau, ce Valentine de Milan, Séverine Yatard. Alors, une des choses qu'on peut vous demander, à vous qui avez co-conçu cette exposition, Stéphane Pacou, c'est tout compte fait, voilà un élève de David dont on connaît le goût pour l'antique. Qu'est-ce qui fait qu'il s'intéresse brusquement à ce Moyen-Âge qui n'était pas au cœur des préoccupations de son maître ? Non, tout à fait. Effectivement, il y a un véritable renversement du centre d'intérêt. Et ce qu'il est très intéressant de noter, comme vous l'avez souligné, c'est que ce renversement apparaît dans l'atelier même de David, à savoir donc le grand maître du néoclassicisme. Nous sommes à une période vraiment de bouleversement avec la Révolution. Un lieu va être tout à fait fondateur pour ce nouveau goût pour le Moyen-Âge. Comme l'évoquait Stéphanie Dermoncourt, c'est donc le musée des monuments français, qui était au départ, un dépôt en fait d'œuvres saisies dans les églises parisiennes au moment de la Révolution, de la nationalisation des biens du clergé, que très vite son directeur Alexandre Lenoir va aménager donc en véritable musée. Il va installer des salles qui périodisent en fait une histoire de l'art. Les salles sont consacrées chacune à un siècle, et ce lieu va avoir un véritable effet de révélateur sur toute une génération d'artistes qui ont l'impression que ces sujets antiques que l'on représente jusqu'à présent ont été tellement représentés, tellement figurés, qu'il est difficile d'apporter de la nouveauté en fait avec ces sujets-là. Et donc ils sont véritablement en quête de nouveauté. Et cette nouveauté, ils vont la trouver dans ce musée, autour donc de ces œuvres du Moyen-Âge, et notamment de ces sculptures, de ces gisants qui vont particulièrement les impressionner. Et donc plusieurs élèves de l'atelier de David, donc Fleury Richard, Pierre Rivoal, François-Marius Granet, Auguste de Forbin, vont vraiment trouver là une inspiration, mais de même que les jeunes historiens vont aussi trouver l'inspiration. On sait par exemple que Michelet va dire plus tard que sa vocation est née en visitant le musée des monuments français de Lenoir. Il semble Stéphane Pacou, du coup, que justement l'artiste, le peintre, alors s'intéresse soit à travers les musées à des objets anciens. Enfin, c'est une première approche de l'histoire. Vous avez parlé aussi d'un rapport émergent entre historiens et artistes. Et puis vous citiez Pierre Rivoal, donc nous n'avons pas commenté un tableau avec Stéphanie Dermoncourt, mais en tous les cas, qu'on a pu appeler aussi le peintre antiquaire, parce que c'est l'un des peintres qui va collectionner justement des objets anciens pour pouvoir ensuite les reproduire, les étudier en fait dans son atelier. Tout à fait, oui. C'est l'un des premiers à collectionner des objets d'art du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il va être un très grand collectionneur et sa collection en 1828 va être achetée par le musée du Louvre et elle est aujourd'hui l'une des bases de l'actuel département des objets d'art du musée du Louvre. Donc vraiment un collectionneur important. Et cette collection va lui servir de matériaux pour composer ses tableaux, de répertoire de formes en fait. C'est un peintre qui se plaît à illustrer dans ses tableaux donc, de très nombreux objets, de très nombreux détails, et il est très intéressant d'essayer de les repérer aujourd'hui effectivement parmi les objets qui ont figuré dans sa collection, qui se trouvent aujourd'hui au Louvre. Donc c'est vraiment une volonté de partir à la recherche de sources. Et c'est en cela que cette peinture se distingue de ce qui a pu exister auparavant. On peut par le passé trouver ponctuellement des représentations d'épisodes de ces périodes historiques plus récentes, donc que sont le Moyen-Âge, le XVIe, voire le XVIIe siècle, mais sans cette volonté d'aller à la recherche d'une certaine vérité, en fait. Alors cette vérité, elle peut nous paraître anachronique, parce qu'il y a des mélanges, en fait, ouais, entre des éléments de différentes périodes, mais il y a une volonté de partir en quête d'objets, de partir en quête de décors, qui soient de véritables décors, de partir aussi à la recherche donc, de manuscrits enluminés, de gravures, qui vont servir de référence. Alors, il faut dire aussi à nos auditeurs, qui n'ont pas forcément l'image, puisqu'ils écoutent la radio, il faut leur dire que ces peintures, ces peintres, sont aussi influencés, bien qu'étant élèves de David, par une peinture d'intérieur. Cette Valentine de Milan est face à une fenêtre avec des vitraux. On l'a entendu décrit ce tableau par Stéphanie Dermoncourt dans le musée des Beaux-Arts de Lyon. Et cette peinture de Fleury Richard est inspirée, comme beaucoup de peintures de cette époque-là, par la peinture hollandaise, dit-on. Tout à fait. La peinture hollandaise est véritablement un goût qui est très présent auprès du public à cette époque. De nombreux collectionneurs s'intéressent effectivement à ces tableaux hollandais du XVIIe siècle, dont ils apprécient le fini, très méticuleux, le sens de la lumière, le sens du détail. Et ce sont en général des tableaux de petit format qui sont véritablement adaptés à des cabinets d'amateurs. Et c'est ce que vont reprendre ces artistes. donc au début du 19e siècle, comme Richard par exemple, qui vont privilégier des formats effectivement plutôt petit ou moyen, et un même jeu sur effectivement la précision du détail, une peinture qui est très léchée avec l'usage de glacis qui permettent véritablement des effets de profondeur, de transparence et une attention à la lumière avec la récurrence par exemple de motifs de fenêtres qui permettent des jeux de lumière qui vient baigner donc la scène. Alors vous parliez, Stéphane Pacou, donc des petits formats. Valentine de Milan, effectivement, est un petit tableau. Ensuite, Stéphanie d'Armoncourt nous décrit un grand format, cette fois-ci. Donc on change de salle, bien sûr, dans la suite de cette visite au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Un grand tableau de Paul Delaroche, qui date de 1831. C'est Cromwell et Charles Ier. Donc là, on est vraiment dans la grande peinture d'histoire. Enfin, vous allez nous en parler, en tous les cas avec Delaroche, et nous en discuterons ensemble. On peut penser qu'il y a là l'émergence d'un style, d'un genre, à travers une attitude cette fois-ci réfléchie. Ce qui n'était peut-être pas le cas avec la première génération, par exemple, des Fleury Richard. Voilà, Stéphanie d'Arnoncourt. On découvre un homme debout. Donc, il prend toute la hauteur de la composition en militaire ou gentleman farmer, vêtu de brun. On est au XVIIe siècle, il a des grandes bottes en cuir à bout carré, un chapeau à plumes. Et cet homme debout soulève le couvercle d'un cercueil et il contemple, admire, médite sur ce qui est son œuvre, puisque dans le cercueil, on découvre Charles Ier, donc roi d'Angleterre, décapité en 1649. On voit une plaque en plomb sur le cercueil qui indique Carolus Rex. Donc Cromwell, un sujet tout à fait nouveau, plus sérieux, qui reflète également l'anglomanie nouvelle. Donc traiter ce sujet dans ces années-là, c'est une évidence, mais c'est traiter d'un sujet encore brûlant. Dans les quatre Stuart, Chateaubriand fait le lien entre ce qu'il appelle le crime de 1793 et le crime de 1649. Voilà. Et cette génération-là, de Paul Delaroche, désormais, elle travaille davantage aussi en lien justement avec la littérature, le théâtre et les historiens. Voilà, tout à fait. À côté, une œuvre inspirée de Shakespeare, une autre œuvre très célèbre de Paul Delaroche, Les Enfants d'Édouard, exposée la même année. Énorme succès au Salon qui inspire à son tour un auteur français, Casimir de Lavigne, qui va composer une pièce, Les Enfants d'Édouard, qui remportera un grand succès, etc., etc. Un autre élément, on avait une peinture de petit format, très très influencée par la peinture de genre hollandaise du XVIIe siècle, avec Fleury Richard, avec un fini parfait, très léché. Et là, on a une évolution, Paul Delaroche fait évoluer la forme, il l'adapte au nouveau fond. Et donc le format s'agrandit, il est pur, on ne pourrait pas avoir ici une accumulation de détails comme on l'avait auparavant. Et s'il s'inspire toujours de la peinture hollandaise, c'est plus celle de ces petites scènes de genre, c'est celle plus baroque, plus majestueuse d'un Rembrandt, c'est très très sombre, ou d'un Franz Hals. On le voit notamment dans le portrait, qui n'est absolument pas fidèle d'ailleurs au portrait que l'on connaît de Cromwell. Voilà, on dirait plus une trogne de la Franz Hals. Voilà pour cette description du tableau de Paul Delaroche, Cromwell et Charles Ier, qui date de 1831 et qu'on peut trouver dans cette exposition donc au Musée des Beaux-Arts de Lyon, l'invention du passé, dont vous êtes le co-commissaire, Stéphane Pacou. Alors, on voit, comme le disait Séverine, qu'on passe un cap avec Paul Delaroche et un cap, pourrait-on dire, même au point de vue international. Puis voilà un personnage dont beaucoup ont oublié le nom, qui a eu une notoriété considérable dans le monde entier à ce moment-là et dont l'influence se fera sentir un peu partout en Europe chez d'autres peintres qui vont poursuivre ce type de peinture d'histoire. On est en 1831, évidemment, on peut faire le rapprochement avec Victor Hugo pour ce Cromwell, cette époque romantique qui se développe à partir de ce moment-là. Quelle est l'importance de ce personnage de Paul Delaroche ? Alors Paul Delaroche est véritablement une figure centrale. Avec lui, nous changeons donc de génération, puisque la première génération que l'on évoquait précédemment est active donc entre les années 1800 et 1820. Et Paul Delaroche va apparaître sur la scène artistique à partir de 1824 en France et avoir une importance considérable. Il est peut-être l'artiste français de la première moitié du 19e siècle qui a été le plus admiré de son temps, effectivement, à travers l'Europe et à travers le monde même. Ce qui peut nous sembler paradoxal aujourd'hui, puisque c'est peut-être pas le personnage, le créateur que l'on connaît le plus. Mais son art a été vraiment célébré et extrêmement diffusé. Il a su créer des compositions qui ont frappé ses contemporains au salon et qui ont été abondamment diffusées, notamment par l'estampe, qui est le principal mode de diffusion donc des œuvres à l'époque. Et ces estampes ont été véritablement collectionné à la fois en France mais aussi à l'étranger, si bien que son art était connu effectivement jusqu'en Russie ou aux États-Unis. Alors Stéphane Pacou, ça fait intervenir donc des collectionneurs et puis des marchands d'estampes, notamment vous évoquez dans le catalogue un certain Goupil qui justement s'est préoccupé de diffuser Delaroche et ses successeurs dans toute l'Europe. Et ça fonde d'une certaine manière une école, enfin ça la légitime, j'imagine. On est véritablement à un moment où le marché de l'art est en pleine mutation et sont en train d'apparaître des phénomènes qui sont vraiment des phénomènes caractéristiques de la modernité, en fait, par rapport à ce marché de l'art. Et l'émergence de grandes figures de marchands, dont Adolphe Goupil va être peut-être l'une des principales, effectivement. Il va nouer des contrats d'exclusivité avec plusieurs artistes et notamment avec Paul Delaroche, dont il va faire reproduire toutes les œuvres. Alors, en différents formats, en différentes qualités, si bien que l'on peut dire que l'on trouvait des reproductions des œuvres de Delaroche pour toutes les bourses, en fait. Et cela permet une extraordinaire circulation de ses œuvres. Il obtient aussi que les tableaux de Delaroche soient réalisés en différents exemplaires, c'est-à-dire qu'il y ait des répliques, en fait, qui soient réalisées. Il fait circuler ses tableaux. Arrêtons-nous sur ce point des répliques, parce que j'ai trouvé ça très intéressant en vous lisant. C'est-à-dire que pour graver ces tableaux, il fallait que quelqu'un de l'atelier de Delaroche puisse faire une copie, pourrait-on dire, une réplique de ces petit tableau qui serait ensuite gravé et Goupil garde par-devers lui l'ensemble de ces petits tableaux et à un moment ou à un autre les revend aussi et ça recircule. Il n'y a pas de plagiat possible ou supposé pour ces tableaux qui n'ont pas la qualité d'original que l'on trouverait aujourd'hui pour une œuvre d'art, par exemple, Stéphane Pacou. Non, en effet, je pense qu'il ne faut pas envisager effectivement cette question avec notre regard contemporain. Ces questions de réplique revêtent effectivement la même valeur que l'original aux yeux des contemporains. Effectivement, elles sont en général en partie réalisées par l'atelier, par des collaborateurs du peintre, mais achevées par lui, ou en tout cas menées sous son contrôle. Et donc, elles revêtent aux yeux du public une valeur d'authenticité, tout à fait. Et ces répliques sont très importantes aussi pour diffuser ces œuvres, parce qu'il y a une grande demande de collectionneurs pour avoir effectivement une autre version d'un des grands succès de cette époque. Donc c'est quelque chose qui va être très caractéristique. C'est-à-dire que les artistes eux-mêmes font des variantes, pourrait-on dire, de leur propre travail pour des commanditaires qui veulent avoir quelque chose d'un peu original tout en se référant à une scène connue et déjà diffusée partout. Tout à fait, effectivement, une réplique n'est pas forcément en fait une œuvre complètement fidèle à l'original, mais peut comporter des variantes. C'est le cas, par exemple, d'un artiste comme Ingres. Ingres va être épris de perfection et va illustrer tout au long de sa carrière les mêmes thèmes qu'il va perpétuellement reprendre dans l'idée d'améliorer sans cesse son approche du sujet. Et donc, nous connaissons ainsi différentes versions de certains des tableaux d'Ingres qui sont présentés donc dans l'exposition, mais toutes sont différentes et toutes ont une approche présente des détails qui ne sont pas les mêmes, en fait. Séverine Yatard. Juste, Stéphane Pacou, je voulais peut-être en parler de cette anglomanie de Delaroche qui va réfléchir sur la question de l'histoire et notamment influencé par David Hume, qui est un philosophe, historien anglais et qui va faire aussi qu'il y a désormais une sorte de collaboration justement entre l'artiste peut-être et les historiens, l'artiste et le dramaturge, le littéraire. Voilà, une sorte d'implication réciproque dans cette manière de représenter, de mettre en scène l'histoire. Alors, nous sommes véritablement face à un phénomène global dans ce goût pour l'histoire qui touche effectivement donc, non seulement les arts, mais aussi donc, la littérature, le théâtre, l'ensemble des arts de la scène, l'opéra, mais aussi effectivement le développement des études historiques. Avec donc toute une nouvelle génération donc d'historiens. Alors effectivement, Augustin Thierry, Prosper de Barante, François Guizot, qui vont être très importants en France. Et le point de départ se situe donc en Angleterre avec l'importance de David Hume comme figure fondatrice. L'Angleterre va être le premier pays à se pencher sur ce passé dit national dès la fin du XVIIIe siècle en fait, dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et ce mouvement va gagner depuis l'Angleterre, effectivement, la France. Et donc, les artistes français vont beaucoup se tourner vers ces exemples conçus assez tôt en Angleterre, qui sont aussi, je pense que c'est un phénomène qui a été très important pour les peintres, ce goût est amplifié par le succès des romans de Walter Scott, qui est perçu au début du 19e siècle comme un véritable historien, en fait, et qui est lu dans l'Europe entière. Alors, il y a cette dimension donc à la fois d'anglomanie, de popularisation de ces peintres, mais on peut dire aussi que ces gravures, ces estampes dont vous parliez tout à l'heure, ont une importance pour nous encore, disons, la génération qui est la mienne, peut-être celle qui est née dans les années 50 ou 60, parce que ces peintures vont être représentées jusque dans les livres d'histoire, et donc toutes ces peintures, qui sont des peintures 19e, vont modeler notre imaginaire historique également, Stéphane Pacou. En effet, pendant très longtemps, donc ces œuvres ont été abondamment reproduites. Il faut imaginer qu'elles ont été créées à un moment où il n'existait pas de représentation de ces épisodes du passé, ou en tout cas pas de représentation qui était accessible. Et donc, elles ont créé tout de suite un imaginaire, en fait, dans cette représentation du passé, si bien que certains des types qui ont été créés par ces artistes, alors qu'ils sont tout à fait faux, ont été repris par la suite unanimement, en fait. C'est le cas, Stéphanie d'Hermoncourt l'évoquait, du Cromwell, peint par de la Roche. Comme elle l'évoquait, effectivement, il n'est pas fidèle au portrait que l'on en connaît. Et pourtant, cette image s'est imposée, y compris en Angleterre, où on a été le représenter de la même façon par la suite dans les livres d'histoire. Oui, ça c'est fait office de photographie, d'une certaine manière, de l'époque, en fait. Oui, on peut dire effectivement cela. Et il y a un autre héritage aussi qui va être très important à travers le cinéma, qui va beaucoup regarder aussi dès ses débuts cette peinture-là. En 1908, donc l'un des premiers films muets scénarisés, réalisé par André Calmette, prend pour sujet l'assassinat du duc de Guise et se termine par un tableau vivant qui reprend la composition d'un tableau de Delaroche. Mmh. Oui, le fameux assassinat du duc de Guise que l'on connaît effectivement pour avoir été reproduit des milliers de fois jusqu'à nous. Alors, troisième peinture d'histoire que vous avez croisée dans votre promenade au musée des Beaux-Arts de Lyon, c'est vrai. Avec Stéphanie d'Hermoncourt, donc l'éducation de Marie Stuart à la cour de France, 1836, donc une scène qui se situe en fait au Louvre et surtout un tableau qui sera destiné au musée de Versailles. Et ça, c'est un point important aussi pour la peinture d'histoire, puisqu'il y a ce fameux musée fondé en 1833, censé créer un parcours historique de l'histoire de France. Et ça, institué évidemment par le pouvoir de l'époque. On écoute Stéphanie d'Hermoncourt. Donc nous sommes au Louvre, que l'on reconnaît puisqu'on est à la Renaissance. Donc l'artiste sélectionne une salle célèbre de la Renaissance, la salle des cariatides. Donc on voit dans l'arrière-plan les fameuses cariatides de Jean Goujon. Et au premier plan, un grand nombre de personnages, avec au centre mise en lumière Marie Stuart, toute jeune. On est dans les années 50 du XVIe siècle, elle a 13-14 ans. Elle se tient droite avec un feuillet à la main et elle déclame au public, plus pour nous que pour ses auditeurs qui sont à côté d'elle, elle déclame en latin une oraison qu'elle aurait composée elle-même. L'anecdote ici est tirée de Brantôme, donc encore un sujet historico-littéraire. Alors Marie Stuart, c'est un personnage très présent dans l'exposition, dont le destin a fasciné les hommes du XIXe siècle. Dans toute l'Europe, on se passionne pour Marie Stuart. C'est Schiller qui commence avec une pièce qu'il lui consacre. Marie Stuart permettait aux artistes d'évoquer différents aspects. Alors la fin tragique, bien entendu, mais également, et ça sera peut-être plus un sujet français, l'exil hein, une période où on change de gouvernement assez fréquemment. L'exil, c'est un sujet qui concerne de très très nombreuses personnes. Marie Stuart, après la mort de son époux, le roi François II, hein, qui n'a régné qu'un an, qui est mort tout jeune, est contrainte à l'exil. Donc on aura des représentations de Marie Stuart posant le pied sur un bateau, faisant ses adieux à la France. Il y aura même une chanson assez populaire à l'époque d'un grand chansonnier, c'était Pierre-Jean Béranger. Le texte de cette chanson avait eu un tel succès que Wagner l'avait mise en musique dans les années 1840. Voilà, donc on a le thème de l'exil, le côté sulfureux des complots et des amours de Marie Stuart. Et là, on a un sujet très rare, c'est ce qui fait aussi l'intérêt du tableau, en dehors de l'exécution assez virtuose de l'artiste. Donc c'est ses rapports, toute jeune, avec la cour de France, son éducation. Voilà. On a affaire à des sujets moins intimes. Tout à fait. On voit des portraits collectifs, des sujets plus officiels, plus sérieux et peut-être moins plaisants pour le public aujourd'hui. D'ailleurs, les œuvres ne sont pas au Louvre, mais à Versailles aujourd'hui. Versailles qui illustre également cette nouvelle politique de Louis-Philippe qui crée un musée où cette nouvelle peinture d'histoire, ce genre historique sera définitivement mis en avant. De Béranger, mise en musique par Wagner à propos de ce Marie Stuart. Donc là, on a deux thématiques, pourrait-on dire, Stéphane Pacou, autour de ce Marie Stuart. Il y a d'un côté, comme le disait à l'instant Séverine Yatta, toute la question de ses commandes de peinture à des peintres d'histoire par Louis-Philippe, qui veut réconcilier l'histoire de la Révolution bourgeoise avec l'histoire des rois et donc de l'Ancien Régime. Et puis de l'autre côté, la place des femmes dans cette peinture d'histoire, Stéphane Pacou. Oui, en effet. Alors, si jusqu'à la monarchie de Juillet, ces œuvres étaient issues principalement d'initiatives des artistes et non pas de commandes, s'opère un tournant avec l'arrivée de Louis-Philippe, qui va souhaiter, dans ce contexte politique que vous évoquez, s'allier donc tous les partis en passant commande en fait, de représentation d'une histoire nationale. Donc, on est véritablement dans une époque de reconstruction d'une histoire qui irait de Clovis jusqu'au Trois Glorieuse, en fait, et dont le musée historique, les galeries historiques de Versailles, décidées donc par Louis-Philippe, vont être effectivement le témoignage le plus important qui vont être à l'origine de commandes innombrables auprès des artistes. Il faut citer Horace Vernet en particulier. Horace Vernet et beaucoup, beaucoup d'autres. C'est-à-dire que ce sont vraiment des commandes qui vont faire vivre toute une génération de peintres. Je crois que c'est 1500 tableaux qui ont été commandés pour ce musée, c'est ça à peu près ? À peu près, voilà, et un nombre de sculptures également tout à fait gigantesque, plusieurs centaines. Donc c'est vraiment un chantier fondamental. Et puis effectivement, donc des figures historiques qui vont émerger et qui reviennent au fil de l'exposition un petit peu comme des leitmotifs, notamment Marie Stuart, mais aussi Henri IV, François Ier, Jeanne d'Arc, qui vont véritablement être au fil donc des œuvres, au fil des salons, les figures que l'on voit le plus apparaître sous le pinceau des artistes. Et c'est vrai que Stéphane Pacou et Emmanuel Laurentin, vous posez la question du sujet féminin, enfin comment sont représentées les femmes. Donc soit on a affaire à Marie Stuart, Jeanne d'Arc, des héroïnes, mais enfin bon, parfois mises en situation difficile. Soit on a beaucoup de tableaux qui représentent aussi les maîtresses de tel ou tel roi, enfin je pense notamment à un tableau de Delacroix montrant sa maîtresse au mari de cette maîtresse. Enfin voilà, est-ce qu'on peut... Voilà, évoquer cette problématique à travers cette peinture d'histoire. Alors c'est une peinture qui effectivement ne cherche pas à édifier, à présenter de grands exemples moraux comme pouvait le faire le néoclassicisme. Ce ne sont pas des traits de vertu, mais des épisodes qui cherchent plutôt à nous montrer l'intimité en fait de grands personnages ou à émouvoir en fait, à impliquer l'émotion du spectateur. Donc voilà, il y a une véritable différence d'approche, d'où effectivement cette prédilection, notamment pour des héroïnes au destin malheureux comme Marie Stuart, mais aussi par exemple comme comme Jeanne d'Arc. Lorsque l'on montre Jeanne d'Arc dans sa prison, on cherche à provoquer donc l'émotion du spectateur. C'est aussi le cas, dans le même ordre d'idée, avec ces enfants d'Édouard, donc de Delaroche, que l'on évoquait tout à l'heure, qui sont enfermés dans la tour de Londres sur l'ordre de leur oncle, le duc de Gloucester, qui va les faire assassiner. Et donc on cherche à provoquer l'émotion du spectateur. Voilà, il y a effectivement une grande différence par rapport à la tradition classique dans cette approche de l'histoire, qui est plutôt une approche de l'ordre de l'intime et de l'ordre du sentiment, en fait. Mais néanmoins, il faut bien mentionner, comme vous le faites dans le catalogue et comme vous le faites dans l'exposition, Stéphane Pacou, qu'il y a un glissement, c'est-à-dire là où on appelait cela au départ peinture anecdotique, parce que effectivement on considérait que vis-à-vis des grandes peintures bibliques ou des grandes peintures à l'antique du XVIIIe siècle, eh bien il y avait là plus un goût pour l'anecdote qu'autre chose. Ce genre va, sous l'influence de Delaroche et de ceux qui sont autour de lui, devenir un genre à part entière dans ces années 1830-1850, Stéphane Pacou. Tout à fait. Il faut vraiment distinguer ces deux générations. D'une part, donc, celle des précurseurs, donc Fleury Richard et les autres artistes que nous avons évoqués initialement, donc, qui sont considérés comme des peintres non pas de grande histoire, si l'on peut dire, dans la tradition classique, mais comme proposant un genre hybride, donc, qui serait entre ce que la tradition appelait donc, la scène de genre, c'est-à-dire ces scènes de la vie quotidienne, et la grande peinture d'histoire, catégorie pour laquelle on va créer ce terme de genre anecdotique, que l'on appellera aussi par la suite peinture troubadour, même si on croise très peu de troubadours dans cette peinture. Et puis ensuite, donc, il y a un changement de génération avec Delaroche, un accroissement des formats, une approche qui se resserre plus sur la composition centrale, donc un nombre de personnages plus réduit, un moindre goût du détail, une influence plus forte du théâtre, une collaboration avec les historiens. Et dorénavant, la critique va apporter un autre nom pour cette catégorie qui va être le genre historique. Donc voilà, vraiment un glissement en fait entre ces deux générations. On sait par en particulier le travail de Christian Malvy et d'autres ce qu'a été ce goût du Moyen-Âge. Mais en matière de peinture, ce goût du Moyen-Âge et de la Renaissance, il dit quoi de la société des années 1830-1850? On connaît par les travaux de Manuel Charpie aussi l'intérêt d'un certain décor bourgeois pour ces armures que l'on fait parfois refaire et forger exprès pour en avoir dans sa propre famille bourgeoise. C'est quoi ce goût du Moyen-Âge, des croisades, de ces idées-là? Il y a à voir avec la conquête de l'Algérie? Il y a à voir avec d'autres choses? Alors, il est parfois difficile, en fait, de décrypter vraiment la symbolique, en fait, de ces œuvres. Il y a effectivement parfois un peu de tout cela, mais c'est plus un goût général, en fait, qui imprègne la société. C'est ce goût que l'on retrouve dans les romans de Walter Scott, mais aussi en France chez Alexandre Dumas, par exemple. Donc, vraiment des parallèles littéraires. Ou chez Hugo avec Notre-Dame de Paris. Chez Hugo avec Notre-Dame de Paris, dans le théâtre avec le drame romantique, dans l'opéra, pensons à Donizetti ou à Bellini par exemple. Et donc c'est véritablement un goût qui imprègne la société, que l'on trouve avec le début du néo-gothique dans l'architecture, que l'on trouve aussi dans les arts décoratifs avec ce que l'on a appelé le style à la cathédrale. Donc c'est véritablement voilà, ce retour vers un passé qui peut idéalisé être lié, un peu. Non. Qui est idéalisé, bien sûr, un peu fantasmé parfois, qui peut être lié à une volonté de retrouver des racines après ce bouleversement qu'a été la période révolutionnaire. On peut l'imaginer. Alors il y a parfois effectivement des connotations politiques, etc. Mais c'est très difficile de l'analyser et c'est quelque chose qui doit être un peu regardé au cas par cas. Parce que tout dépend des artistes, tout dépend des œuvres. Et c'est, je dirais, loin d'être uniforme, en fait. Alors, vous nous présentez la quatrième œuvre que vous avez choisie dans cette exposition au Musée des Beaux-Arts de Lyon, avec Stéphanie d'Hermoncourt-Sévrignata. Alors, celle d'un Polonais, cette fois-ci, puisque le genre va évidemment être diffusé bien au-delà de la France. Et donc, c'est Stanzik pendant le bal à la cour de la reine Bona, après la victoire de Smolensk. Donc, c'est un tableau de Jan Matejka, donc de 1862, et qui dit, enfin on en discutera avec vous ensuite Stéphane Pacou, peut-être les usages finalement de cette histoire dans des pays où les problématiques de nationalisme sont un peu complexes, comme par exemple la Pologne qui n'est pas à l'époque autonome réellement. Stancic, le héros de cette composition, est un bouffon vêtu de rouge avec tous les attributs du bouffon, mais il n'est pas en train d'amuser la galerie, si j'ose dire. Il est assis, avachi, dans ses pensées, très très sérieux, les mains croisées. Il a jeté sa marotte, son attribut, et il ne participe pas à la fête que l'on entreaperçoit dans l'arrière-plan. Donc dans l'arrière-plan, on voit la cour se réjouir d'une victoire que vient de remporter la Pologne, donc Smolensk. Et lui, qui a une intelligence politique, semble-t-il, supérieure à celle des têtes couronnées qu'il emploie, comprend que cet événement n'est pas suffisant pour maintenir l'indépendance de la Pologne. Et donc il est tout à ses réflexions. Donc l'œuvre est très intéressante parce qu'elle présente une réflexion de l'histoire et elle met en avant une sagesse populaire, un esprit aiguisé. Et c'est vraiment dans l'air du temps puisqu'on a eu le succès du Roi s'amuse de Victor Hugo qui a inspiré Verdi et Rigoletto. Donc ils mettent en scène des personnages un petit peu comme celui-ci. Hein. Et l'artiste, également sensible au sort de son pays, on est en Pologne au 19e siècle, qui est complètement divisée, donc pas indépendante, hein. L'artiste a donné ses propres traits au bouffon. C'est également un autoportrait. C'est aussi la toute-puissance de l'artiste, alors? Oui, l'artiste est là pour compléter, améliorer, éclairer l'histoire. Oui, tout à fait. Séverine Yatta. Oui, Stéphane Pacou, bon, le cas polonais est un peu particulier, hein, parce qu'on l'aura compris, ce genre va vraiment se diffuser en Pologne, mais aussi en Allemagne, en Italie. Enfin voilà, il y a un style genre historique assez spécifique ensuite dans beaucoup de pays européens. Oui, absolument. À tel point que l'on a pu parler d'un genre international autour de 1850. Mmh. Ces formules qui ont été élaborées en France vont véritablement se diffuser à travers l'Europe entière et être reprises, alors à chaque fois avec une adaptation particulière selon les contextes nationaux. Et ce genre va apparaître, ce type de sujet vont apparaître comme quelque chose qui est tout à fait en phase avec l'air du temps. En effet, c'est une voie qui apparaît comme plus pittoresque, plus vivante, plus naturaliste et qui va correspondre à un désir de modernité dans beaucoup d'écoles nationales qui sont encore confrontées au dernier feu du néoclassicisme, donc des formules qui apparaissent comme un peu figées. Et puis il y a un véritable écho avec ces mouvements d'affirmation de culture nationale dans beaucoup de pays, en fait, dans cette époque de construction des nations. C'est-à-dire que ce que vous décriviez tout à l'heure pour, par exemple, le peintre de Valentine de Milan, qui était à l'atelier de David, cet atelier est déjà un atelier international, mais celui de la cour, il est également international. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, de La Roche, à partir d'un certain moment, ces peintres ont tellement de succès qu'on vient de partout pour pouvoir apprendre auprès d'eux. Et on va puiser des motifs que l'on va ensuite réadapter dans la peinture nationale que l'on va créer. Absolument. Paris est une véritable capitale des arts à l'époque où l'on vient pour se former de tous les pays d'Europe, voire même des États-Unis aussi. Et donc, ces artistes étrangers vont connaître de première main ces modèles élaborés en France et vont ensuite les reprendre dans leur création, dans leur propre pays, pour illustrer leur propre histoire nationale. Alors, pendant que nous discutons, certains de nos internautes tweetent ou sont sur Facebook, et l'un d'entre eux me dit qu'au Musée des Beaux-Arts de Rouen, il y a une exposition ces temps-ci qui s'appelle l'exposition Cathédrale, qui évoque 1789-1914 comme période historique, et donc la période que vous couvrez aussi avec l'invention du passé à Lyon et à Bourg-en-Bresse, et que cette exposition complète ce que vous disiez tout à l'heure sur l'histoire du Moyen-Âge, en évoquant en particulier la question de la réinvention de l'âge des cathédrales par les peintres de cette même période. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous expliquez dans un des articles qui accompagne cette discussion et cette exposition, l'invention du passé, Stéphane Pacou, c'est que par exemple, Delaroche, eh bien, son atelier va propager tout au loin cette peinture d'histoire, mais qu'au bout d'un certain temps, les Français eux-mêmes vont se lasser de cette peinture d'histoire pendant qu'elle sera très réactivée, mettons, en Hongrie, en Pologne, à l'est de l'Europe. Oui, absolument. Autour de 1850, donc ce goût va effectivement s'estomper en France avec la disparition des protagonistes de cette génération, donc que l'on appelle le genre historique, mais va perdurer effectivement jusqu'aux années 1870 en Europe. Effectivement, on en trouve des témoignages à la fois donc en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, etc. Donc effectivement, c'est un goût qui va perdurer avec un peu plus d'années en fait au-delà des frontières de la France. Séverine. Et comment on est alors on perçoit donc voilà la fin de peut-être ce genre historique en France et vous parliez du cinéma tout à l'heure Stéphane Pacou, est-ce que voilà il y a le relais est pris par un autre média, une autre manière de représenter justement l'histoire? Oui, et c'est une question, cette question donc de comment représenter le passé, que le cinéma va beaucoup s'approprier. Et la photographie aussi, peut-être aussi. Oui, alors le cinéma a vraiment eu cette volonté, en particulier de savoir comment mettre en scène l'histoire de manière vivante, et va vraiment se trouver confronté à des problématiques similaires à celles qu'avait connues la peinture à cette époque-là. Et il y a un véritable héritage, en fait, dans le cinéma, à travers toute son histoire, que l'on pense aux films de KPDP tournés par Hollywood jusqu'à des productions plus récentes, sur voilà, comment s'approprier un passé de manière à la fois vivante et en même temps plausible. Vous expliquez que, par exemple, au moment de l'exposition universelle qui se tient à Paris en 1863, la critique française est assez vive, voire méchante vis-à-vis, par exemple, des tableaux historiques qui, eux, sont en vogue en Italie ou en Pologne. On peut citer Matteico, en 1862, c'était celui dont on parlait tout à l'heure, avec ce bouffon Stanzik, ou encore des peintres italiens de la même époque. Et donc, d'une certaine façon, ce désamour pour cette peinture médiévale ou ce rêve sur le Moyen-Âge ou ce rêve sur la Renaissance est de plus en plus flagrant pendant qu'ailleurs, il y a du succès. Ce désamour, il a duré longtemps puisqu'il a fallu les travaux en 1971 de cette exposition sur le style troubadour à Bourg-en-Bresse et puis les travaux successifs à Lyon ou ailleurs autour de ce 19e siècle pour faire re-rentrer ces peintres dans la grande histoire de l'art, Stéphane Pacou. Oui, en effet, ces artistes ont été, si l'on peut dire, effectivement un peu oubliés par la suite et ont été redécouverts donc, depuis les années 1970-1980. Les musées ont véritablement fait un grand travail en ce sens. Bruno Foucard aussi, j'imagine, des gens comme ça aussi. Voilà, tout à fait. Marie-Claude Chaudonneret, Stephen Bann, qui a travaillé effectivement avec nous sur cette exposition. Et il y a eu donc un grand mouvement de restauration, de remise en valeur donc, de ces œuvres qui sont aujourd'hui présentées à nouveau sur les cimes des musées. Mais je dirais qu'en fait, cet oubli a été relatif, en fait, suivant les pays. Et c'est tout à fait intéressant à observer en Europe, avec des cas assez contrastés. Si l'on prend le cas toujours de la Pologne, en fait, un artiste comme Jan Matejko est resté, en fait, le grand artiste national et le demeure encore aujourd'hui. Effectivement, c'est tout à fait paradoxal d'observer ces différences de goût. Et un tableau comme Steinschick, que l'on évoquait, demeure aujourd'hui encore un tableau iconique pour les Polonais. Mais est-ce que vous ne souffrez pas, en tant que historien de l'art, conservateur du 19e, justement, de ce regard un peu distancié, ironique, ce petit sourire que l'on peut trouver parfois vis-à-vis de ces tableaux-là? Parce qu'évidemment, dans la hiérarchie des genres, dans la hiérarchie des goûts, Caillebotte, Monet, Manet ont évidemment surpassé tous ces tableaux de belles peintures de la première moitié du 19e siècle, Stéphane Pacou. Oui, mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre en fait le succès de cette peinture, comment se sont construites ces images. Et c'est véritablement l'objectif qui a porté cette exposition, c'est d'essayer en fait de s'interroger sur le processus créateur, sur les sources de ces artistes historiographiques, plastiques, sur ce contexte, sur cette diffusion qui ont pu expliquer donc la naissance et le succès de ces œuvres et comment elles peuvent encore aujourd'hui nous parler par ce succès qui a imprégné notre imaginaire collectif. Donc en cela, je crois que c'est un phénomène qui est particulièrement intéressant en fait à analyser aujourd'hui. S'il n'y avait qu'un tableau dans cette exposition, l'invention du passé, que vous garderiez pour vous d'une certaine façon dans un dialogue singulier, Stéphane Pacou, ce serait lequel pour vous ? Ah, il est difficile de ne pas retenir Valentine de Milan, qui est ce tableau que l'on a évoqué au début de cette émission, qui est une œuvre. Je vois les yeux dans le vague de Séverine Liattard, qui elle aussi, visiblement, a beaucoup apprécié ce tableau. Donc, ce premier tableau de 1802, c'est ce que vous voulez dire, de Fleury Richard. Tout à fait, qui est un tableau qui vient de Saint-Pétersbourg, puisqu'il est conservé au musée de l'Ermitage, donc qui a été très peu vu, d'autant plus qu'il a été redécouvert il y a 10 ans seulement, à peu près, et qui est une œuvre qui continue à nous fasciner aujourd'hui par son sens de la transparence, de ce rideau vert qui se trouve donc devant cette fenêtre et qui est vraiment créateur d'une atmosphère tout à fait extraordinaire, à la fois de mélancolie et également qui nous plonge dans ce passé de façon tout à fait fascinante. Alors, il faut dire à nos auditeurs que s'ils veulent se rendre du côté de Lyon au Musée des Beaux-Arts, eh bien, ils ont jusqu'au 21 juillet pour s'y rendre, c'est cela ? Tout à fait. Et que s'ils veulent aller voir l'exposition jumelle de cette exposition dont on a beaucoup parlé, mais du côté du Musée de Brou à Bourg-en-Bresse, donc, eh bien, c'est toujours l'invention du passé. Mais là, c'est jusqu'au 21 septembre. Ils ont tout l'été pour pouvoir s'y rendre. Voilà. Merci en tous les cas à vous, Stéphane Pacou. Merci aussi à Stéphanie Dermoncourt qui a guidé donc vos pas, Séverine Liattard, dans cette exposition, l'invention du passé, donc à Lyon au Musée des Beaux-Arts et donc avec cette exposition jumelle du côté de Bourg-en-Bresse. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marcet. Élise Lehe était à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Demain, nous poursuivons notre promenade dans des grandes expositions à thème historique. Après avoir parlé d'Auguste au Grand Palais et aujourd'hui donc du Moyen-Âge et de la Renaissance dans la peinture d'histoire du 19e siècle, eh bien, nous nous attacherons à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire à l'année 1900, qui est au centre d'une exposition qui se tient au Petit Palais à Paris. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion, la télécharger dans l'année qui suit, mais également laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.